désert s'évèle. Fais-moi là. Chaque souffle brûle. Chaque mot s'efface. Riders qu'il murmure. Son nom s'élève. La foule s'incline. La chaleur achève. Comme sable ardent. Chaque mot pèse, chaque cri brûlant. Riders qu'il chante, ses murmures serrés. La foule succombe, ivre de fièvre sacrée. Tes yeux m'écrasent, mirage sans fin. Chaque vibraille consume mon destin. Ton nom s'écrit. Chaque soupir m'enchaîne à la lumière. Le vent s'élève, la dune respire. Chaque silence sur chaque voix délire. Riders kill the rain, sa voix m'enchaîne. La foule tremble, happée par la peine. Ton ombre danse dans l'air brûlant. Chaque mot frappe, chaque cri sanglant. Je sais ton nom dans le sable. Chaque mot devient inévitable. Whisper deeper. Riders kill, pull us higher. Through the heat, shadows fall. Obsession burns, consuming all. S'effondre. Chaque note frappe, chaque souffle succombe. Riders kill, règne, sa voix s'élève. La foule brûle, la transe s'achève. Ton souffle sec, ta voix m'enchaîne. Chaque mot me nourrit ma peine. Ton ombre gronde. La chaleur m'écrase. Chaque mot pèse, chaque souffle embrasse. Riders kill charme, ses murmures serrés. La foule succombe, ivre de fierté. Ton nom s'élève comme une prière. Chaque vibraille. Ride a skip, pull us higher. Through the heat, shadows fall. Obsession burns.